Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de notre podcast. Aujourd'hui, on continue notre exploration passionnante des chansons en patois lillois du XVIIIe siècle, conservées précieusement à la Bibliothèque nationale. Oui, et quelle exploration! J'ai hâte de découvrir ce que tu as déniché de nouveau. Lors du premier épisode, on a juste effleuré la surface, n'est-ce pas? Exactement. J'ai plongé plus profondément dans ces archives, mais il y a encore tant à dire. J'ai toutefois fait un tri. J'ai volontairement mis de côté les chansons trop patriotiques, ou celles qui traitent du mariage avec toutes les variantes sur les mauvais mariages, les amours contrariés, les vieilles filles et les vieux garçons, les bals, vous connaissez le genre. Une bonne approche. Cela permet de se concentrer sur un spectre plus large de la vie quotidienne, non? Tout à fait. Imaginez un peu cette époque. L'espérance de vie moyenne était de 39 ans. Incroyable, n'est-ce pas? Entre les maladies, les guerres, l'absence de médicaments modernes, une misère ordinaire et généralisée. Pas de sécurité sociale, pas de retraite. L'obligation de faire beaucoup d'enfants pour assurer sa survie à la vieillesse, sachant que la moitié des enfants mouraient avant 5 ans. Et c'est fascinant de constater à quel point ces aspects sont rarement abordés directement dans les chansons. On se concentre souvent sur les aspects plus joyeux ou romantiques de l'époque, mais la réalité quotidienne devait être bien différente. Precisément. On parle pourtant de la mise en place des premières lois de protection de la population, des mesures prophylactiques, des lois sur la vente de la viande, les techniques modernes qui transforment l'hygiène publique, des inventions qui améliorent le quotidien. Le contraste est saisissant. Au milieu de cette misère et de cette mortalité infantile importante, il y a aussi des chansons qui évoquent les fêtes, les foires, leurs attractions. Un véritable paradoxe. Absolument. On trouve des chansons sur la femme canonne, le palais des miroirs, les prestidigitateurs, des attractions pour le moins étranges à nos yeux. L'exposition universelle de 1889 est aussi évoquée dans plusieurs chansons. Et puis il y a toutes ces chansons simples, sur la vie quotidienne de ces gens, dans des conditions extraordinaires à nos yeux modernes. On imagine facilement une certaine résilience, une capacité à trouver du bonheur même dans un contexte difficile, une forme d'adaptation remarquable, n'est-ce pas? Oui, il semble qu'il y avait des gens heureux, qui prospéraient malgré ce chaos apparent. Ces chansons nous offrent un regard précieux, complexe et contrasté, sur la vie quotidienne dans le Lille du XVIIIe siècle. C'est ce qui rend cette recherche si captivante. Ces chansons, en tant que témoignages, nous permettent de mieux comprendre non seulement les aspects festifs, mais aussi la réalité sociale et économique de l'époque, même si celle-ci n'est pas explicitement mentionnée. Le bonheur et le malheur se côtoyaient, semble-t-il, avec une intensité que nous avons du mal à imaginer. Tout à fait. Et c'est ce qui fait la richesse et la complexité de notre exploration. On ne peut qu'admirer la force et la résilience de ces populations. On ne manquera pas de poursuivre notre enquête dans les prochains épisodes, n'est-ce pas? Bien sûr. À très bientôt pour de nouvelles découvertes dans l'univers fascinant des chansons lilloises du XVIIIe siècle. Au revoir à tous et merci de nous avoir écoutés.